où les Aurignaciens y pénétrèrent. Alors, il est vrai que la grotte... Bonjour, je voudrais du Stroclemina perastodontalin. Du Stroclemina perastodontalin evatitroglycerumissux ou du bleu ? Bleu ? La santé, c'est compliqué. Découvrez Alan, l'assurance santé 100% digitale qui fait simple et vous rembourse en 72 heures seulement. 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. La grotte de Lascaux fête le 80e anniversaire de sa découverte. Quelque peu maltraitée par le 20e siècle, désormais fermée pour mieux être protégée, Lascaux vient d'être à nouveau datée très précisément. Mais ce soir, le magazine d'archéologie de France Culture ouvre un autre dossier sur l'art paléolithique Chauvet, la grotte de Vallon-Pont-d'Arc, bien plus ancienne puisqu'il y a autant d'écart entre Chauvet et Lascaux que Lascaux et nous, 18 000 ans. Forte de la malheureuse expérience de Lascaux, Chauvet, la doyenne, est l'objet d'un protocole d'études très strict qui n'empêche en rien des études multidisciplinaires. C'est justement de ce regard croisé dont nous allons parler avec Jean-Jacques Delannoy, Jean-Michel Genest. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Géomorphologue Jean-Jacques Delannoy, vous êtes professeur à l'Université Savoie-Mont-Blanc, membre de l'Institut universitaire de France et avez co-présidé avec Yves Coppens, puis présidé le conseil scientifique de Lascaux. Préhistorien, conservateur général du patrimoine, ancien conservateur de la grotte de Lascaux, directeur du Centre national de préhistoire, Jean-Michel Genest, vous avez dirigé le programme de recherche de la grotte Chauvet et êtes surtout un habitué du magazine d'archéologie de France Culture. Ce que vous nous proposez, c'est un énorme livre, une somme, un pavé, juste paru hier, l'Atlas de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, publié aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, un livre dont le poids et les dimensions ne rentrent dans aucune bibliothèque, le premier ouvrage d'archéologie que j'ai dû lire debout. Vous êtes tous deux en duplex des studios de France Bleu Pays de Savoie et France Bleu Périgord pour nous raconter l'histoire de cette grotte avant, pendant et après les premiers peintres du Paléolithique. Justement, la grotte Chauvet, c'est une histoire, une aventure qui commence bien avant l'arrivée de l'homme. C'est un milieu façonné par la nature. Nous voici au cœur des karstes et de la karstologie. Jean-Jacques Delannoy. La grotte Chauvet, comme toute grotte, elle offre un paradoxe apparent, c'est-à-dire qu'elles sont invisibles de l'extérieur, cachées de l'intérieur. Donc on a l'impression qu'elles sont déconnectées de l'environnement extérieur, de tout ce qui s'y passe. Or, ce n'est pas du tout le cas. Une grotte, elle existe par ses relations, rien que par ses relations avec l'environnement extérieur. Elle se creuse, elle évolue, elle se transforme. Et tout ça, en plus, est complètement archivé et mémorisé, en fait, dans les formes et dans les dépôts souterrains. Et la grotte Chauvet, elle a une mémoire fabuleuse. Effectivement, elle a enregistré 6 millions de l'histoire de notre planète, qui fait que ça a créé des formes très particulières sous Terre, des parois bien particulières, et c'est dans ces formes et ces parois que l'homme, finalement, est venu lui aussi inscrire sa marque et archiver aussi ses informations. Alors, une des archives les plus étonnantes, une des mémoires, c'est ce fragment de plancher stalagmitique qui se trouve collé au plafond, preuve de la longue évolution de la grotte. Oui, alors il y a le plancher stalagmitique au plafond, effectivement, est quelque chose qui interpelle. Mais il y a aussi autre chose qui interpelle, ce sont ces dépôts un peu argileux qu'on voit un peu partout dans la grotte, de la base jusqu'à pratiquement au plafond. Et ça, ça a enregistré une histoire qui s'est passée il y a environ 5 millions d'années, quand le niveau de la mer est remonté, la Méditerranée, et a entraîné un ennoiement de la grotte. Donc ça veut dire que cette grotte, elle a enregistré l'abaissement de la Méditerranée il y a 5 millions d'années, ensuite remontée de la Méditerranée à 5 millions d'années, et puis après tout ce qui est l'évolution du climat, de l'environnement, dans les planchers sismiques, dans les dépôts, et aussi dans les formes, puisque c'est ça qui caractérise aussi la grotte Chauvet, sa diversité de paysages souterrains. Jean-Michel Genest, quelles ont été les motivations des hommes à pénétrer dans les profondeurs de la Terre? L'homme du paléolithique est cavernicole, il s'enfonce même au plus profond des grottes? Oui, alors que ce sont des chasseurs-cueilleurs qui vivaient à l'extérieur, dont le mode de vie était essentiellement lié à la subsistance à partir du monde végétal, de la chasse des animaux. Mais ils ont développé très tôt un attrait pour le monde souterrain, et plus précisément pour aller y inscrire des images et des représentations essentiellement animales qui devaient avoir pour eux une immense importance pour fonder la société, pour régir un certain nombre d'éléments de rapports sociaux, au point que ce dispositif, ces grottes ornées, ont été reproduites. Nous en avons des centaines d'exemplaires à l'échelle européenne. Elles sont pratiquement faites avec les mêmes éléments symboliques, des aménagements, les mêmes types de représentations. Il y avait là quelque chose dont le symbolisme général et le sens nous échappent, mais qui était peut-être l'équivalent d'une cosmogonie, d'une explication, d'une justification d'être au monde pour ces populations. En tout cas, les hommes préhistoriques n'ont pas visité toutes les grottes, ou du moins, ils n'ont pas exploité toutes les grottes. Non, il n'y en a qu'un certain nombre qui ont certainement, probablement, été repérés avant. La grotte Chauvet, par exemple, est une cavité qui, par rapport à d'autres, a un dispositif, des galeries amples, majestueuses, voire même monumentales, des sols assez réguliers, et surtout, pour les grottes ornées, Lascaux ou Chauvet, mais d'autres encore, des parois particulièrement propice à y inscrire des œuvres graphiques, gravures, sculptures, dessins, peintures, etc. Oui, par exemple, ils n'ont absolument pas, du moins les Aurignaciens, n'ont absolument pas exploité la grotte qui est juste au-dessus donc de la grotte Chauvet. Non, ils n'ont pas exploité un certain nombre qui sont dans l'environnement. Néanmoins, dans cette portion des gorges de l'Ardèche, il y a, faut-il le rappeler, une trentaine de grottes ornées parmi les centaines de cavités qui sont là. C'est non négligeable. Et en outre, elles sont localisées à une portion de ce canyon de l'Ardèche. Donc l'emplacement des grottes ornées obéit probablement à des raisons profondes dans l'organisation d'un territoire, dans sa lisibilité pour ceux qui le fréquentent, dans leur espace parcouru, et probablement aussi dans un espace représenté qui était un espace imaginaire. Jean-Jacques Delannoy, peut-on se faire une idée de l'état de la grotte Chauvet au moment où les Aurignaciens y pénétrèrent? Alors, il est vrai que la grotte telle qu'on l'observe aujourd'hui n'avait pas du tout les mêmes ambiances, les paysages souterrains qu'à l'époque du Paléolithique. Et ça, c'est vraiment important pour, justement, comme l'a dit Jean-Michel, de comprendre un peu le cheminement dans la grotte, le choix de certaines parois, le choix de certains supports sur lesquels les œuvres ont été portées. Donc on a besoin de restituer ce qu'était, en fait, le paysage souterrain de l'époque. Et pour répondre à cette question-là, on va mobiliser l'ensemble des disciplines de l'équipe scientifique, qui est effectivement bien pluridisciplinaire. Donc c'est l'étude des parois, la taphonomie, l'étude géomorphologique, l'étude des vestiges archéologiques, et on va travailler sur leur emboîtement. Et c'est un peu ça qu'on a voulu aussi montrer par ces cartes qui sont dans cet atlas, avec une très riche iconographie sous forme de cartes. Travailler sur ces emboîtements, et ces emboîtements, finalement, vont nous permettre de remonter petit à petit dans le temps et ensuite de gommer un peu les informations qui se sont passées depuis la période des fréquentations jusqu'à aujourd'hui. Et par exemple, ce qui fait une des beautés du paysage souterrain de la grotte Chauvet, c'est ces concrétions qui sont très blanches, ces sols qui sont cristallins, qui brillent, etc. Et ben tout ça n'existait pas. Oui, toutes ces formes aussi qui sont très arrondies. Exactement, oui. Alors par exemple, tout ce qui est les concrétions, les stalactites, les stalagmites, ces sols qui brillent, ça, ce sont des choses que n'ont pas connues les hommes du Paléolithique. La grotte était paradoxalement plus terne qu'aujourd'hui, au moins d'un point de vue brillance et côté fantastique aussi de ce paysage. Votre approche est géomorphologique et centrée donc sur des cartes, une cartographie haute résolution de la grotte Chauvet, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, ce sont des cartographies. Alors, il y a deux types de cartographies. Il y a des cartes thématiques, c'est-à-dire qu'on va organiser les informations sous forme d'entrée, soit archéologique, paléontologique, ou géomorphologique, ou géologique. Et puis, il y a ces cartes intégrées, hein, qui sont vraiment le cœur de l'ouvrage et qui sont effectivement complexes de lecture, mais c'était un choix. Parce que quand on rentre dans la grotte, on a une multitude d'informations au sol, sur les parois, et on est devant cette complexité. Et on voulait rendre dans cet ouvrage cette complexité. Ce qui explique effectivement, bon, tout à l'heure vous avez dit un ouvrage très très grand par la taille, justement on voulait que ces cartes, elles soient pas des microfiches, quoi. C'était des cartes qui nous permettent, et qui permettent surtout au lecteur, de pouvoir finalement visiter la grotte avec les informations qui l'intéressent dans sa quête de données. Alors c'est vrai que c'est sur un support de sol, c'est sur un support de, qu'on appelle géomorphologique, c'est-à-dire sur les formes du sol, sur ses natures, etc. Ah, c'est bien sûr la révolution de l'imagerie scientifique. On se souvient de la cartographie des grottes qui a toujours été une sorte de problème pour les archéologues. Je pense bien sûr au petit schéma que faisait l'abbé Breuil, par exemple. Dans le cadre de la grotte Chauvet, ce travail interdisciplinaire nous a conduit justement à croiser de plus en plus d'informations plutôt que des cartes de type archéologique, paléontologique, géomorphologique, sédimentologique, etc. Non, c'est pas ça qu'on voulait faire. C'était intégrer au maximum les informations pour les faire parler, pour les faire dialoguer, pour les faire pour créer même de nouvelles informations qui ne sont pas des informations simplement d'entrée disciplinaire. Et c'est ça qui en crée la richesse et c'est ça qui nous a permis donc finalement de commencer à raconter des histoires de la grotte avant, bien entendu, les fréquentations, mais aussi l'histoire de la grotte en lien avec les fréquentations et ensuite l'histoire de la grotte après donc sa fermeture, c'est-à-dire après donc les occupations. Jean-Jacques Delannoy, vous lancez un nouveau concept, l'anthropogéomorphologie. Qu'est-ce que cela pourrait dire en quelques mots simples ? Alors, il y a anthropologie, géomorphologie, l'étude donc des formes. Et effectivement, par cette géomorphologie à très haute résolution, aussi couplée avec de nouveaux outils qui sont les outils de 3D, on va pouvoir voir des fois de manière extrêmement subtile et des fois même de manière, je veux dire, dont on n'avait pas du tout conscience avant de faire justement ce travail de cartographie. Parce que la cartographie oblige en fait à poser les choses dans un espace et donc oblige à tout regarder et voir même des choses qu'on veut pas regarder. On est obligé quand même d'essayer de les interpréter. Et on a découvert comme ça qu'il y avait des formes qui étaient liées donc aux actions de l'homme qui a transformé, qui a aménagé, qui a changé son architecture. Et ce qui fait que des paysages qui étaient considérés comme naturels, eh ben on se rend compte que ce sont des paysages qui sont construits, qui sont aménagés, une véritable architecture. Et ça, la géomorphologie a révélé et révèle en fait ces gestes et ces actes donc, de l'homme il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, ou voire de manière beaucoup plus récente, sur des sites plus historiques. Évoquons peut-être juste l'aspect naturel. Est-ce qu'au travers de la géomorphologie, vous voyez par exemple des apports, je pense bien sûr des apports de calcite sur les peintures, mais aussi des retraits, voire éventuellement des fantômes ? On voit des choses qui se sont ajoutées, des choses qui ont disparu. Par exemple, dans la grotte, on voit par exemple ces gros soutirages. Ben effectivement, à un endroit donné, il y a disparition du sol sur lequel ont cheminé les hommes et les animaux de la préhistoire. Et puis après, il y a des choses qui se sont ajoutées. Effectivement, cette calcite, ces dépôts qui vont recouvrir les parois. Mais aussi, on va voir, par exemple, dans la zone d'entrée, des gros blocs qui n'ont rien à faire donc dans cette entrée de la grotte, si on considère juste, bien entendu, l'enveloppe interne de la cavité. Donc c'est justement ce jeu que permet la géomorphologie de travailler à partir de l'espace et des relations des différentes formes et différents dépôts, de pouvoir remettre ça dans du temps, dans une temporalité qui est d'abord une chronologie relative qu'on va ensuite pouvoir caler avec un certain nombre de datations qu'on va pouvoir faire, soit grâce à des charbons de bois, soit avec des concrétions avec l'uranium-thorium ou encore d'autres méthodes qui ont été développées dans le cadre de l'équipe scientifique. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Jean-Michel Geneste, la chronologie de cette grotte est bien sûr très importante. Chauvet est le témoin d'un art et d'une culture ancienne, très ancienne, l'orignacien. Oui, l'aurignacien est quasiment la première culture d'Homo sapiens en Europe et surtout la première culture de cette période qu'on appelle le paléolithique récent. Cette culture se développe sur une très grande surface partie de l'Eurasie, c'est-à-dire depuis le Proche-Orient jusqu'à tout l'espace ouest européen à partir de 45 000 et va jouxter jusqu'à la période culturelle suivante qui est le gravettien aux alentours de 35 000 ans. Pendant cette longue période, cette culture va se caractériser surtout par ce qui va faire la modernité des cultures d'Homo sapiens, à savoir au niveau technologique le débitage laminaire, la transformation des matières organiques pour fabriquer d'autres outils et le développement des pointes de projectiles, le développement de la parure, le développement de l'art, art mobilier et art pariétal. C'est vraiment cela, l'aurignacien. Alors j'imagine que la cartographie permet de percevoir parfaitement l'organisation spatiale des peintures dans la grotte de Chauvet. Eh bien disons que ce dispositif cartographique nous permet d'avoir en détail les différents espaces de la grotte et de voir précisément où sont implantées sur les parois les œuvres. En fonction de leur nature, elles sont documentées, aussi sur le sol, les aménagements, et finalement d'avoir sous la main une carte comme quand on se déplace dans l'espace, c'est-à-dire une référence que l'on va toujours garder. Et il faut penser que cet ouvrage avec ces cartes doit servir de référence aussi aux autres ouvrages qui vont suivre. Il les précède, mais en même temps il en constitue la partie, l'archive. L'archive qui va permettre de lire la diversité des recherches effectuées pendant plus d'une vingtaine d'années, c'est sa documentation de base. Et c'est la raison pour laquelle ce premier ouvrage est apparu avec ce dispositif. Il veut montrer la richesse et en même temps donner envie. Jean-Michel Genestre, quelques mots sur cet extraordinaire art que l'on croit connaître au travers de quelques photos ou éventuellement, bien sûr, du fac similé pour ceux qui ont la chance d'y être allés. C'est un art extraordinaire qui pose le problème de son émergence d'ailleurs. Oui. Dès cette période ancienne, puisqu'il est daté objectivement des environs de 37 000 ans pour les premiers éléments datables de cet art, mais on voit bien qu'il y a des éléments, des superpositions, il y a des éléments plus anciens qui sont sous-jacents à certains dessins et peintures qui ont été datés, donc qui font un petit peu aussi remonter encore dans le temps. Cet art est particulièrement surprenant et exubérant. Il y a à la fois des dessins rouges, il y a des représentations animales qui sont tantôt avec de l'ocre rouge, tantôt gravées, tantôt dessinées et apposées sur la paroi avec une technique particulière. À certains endroits, c'est la roche brute qui a été utilisée comme support, mais en d'autres endroits, un procédé très sophistiqué a consisté à racler l'argile un petit peu brunâtre qui recouvrait la paroi à des endroits où la paroi est molle, un peu pâteuse, et une fois enlevée cette pellicule brune, a dégagé des sortes de fenêtres blanches, et sur cette pâte de calcaire blanc a été apposée et mélangée du charbon de bois extrêmement finement pulvérisé. Et cela donne une pâte, et le résultat, c'est un dessin à l'estompe, quasiment à fresque, puisqu'il reste une fresque qui est restée humide. Et là, vous avez tous les dégradés entre le trait charbonneux noir et tous les dégradés de gris. Et les grands panneaux des salles profondes de la grotte sont de très grandes surfaces de ce type-là, ornées de grands animaux. Et ce sont effectivement des espèces animales qui ont été sélectionnées en tant que motif, des espèces gigantesques, à la fois dangereuses et en un certain nombre très limité, une dizaine d'espèces, pas plus. Et puis c'est presque en perspective, pourrait-on dire. La grotte, c'est aussi des animaux, des vrais, l'ours notamment. Il y a une autre particularité de cette cavité, effectivement, c'est qu'à certains moments, probablement pas les mêmes que ceux où les hommes pénétraient dans la grotte. La grotte, par son extension, ses galeries et en même temps ses recoins, son sol argileux mais pas très sec, assez meuble, a servi de nurserie et de lieu de retraite pour les ours pendant des hivernages. Et à ce moment-là, on a, dans certaines zones, une grande quantité de bauges dans lesquelles il y a encore des animaux, mères ou fœtus, ou morts au moment de à la naissance ou plus tard, un grand nombre de restes de squelettes d'ours et beaucoup d'ossements accumulés sur le sol. Donc l'omniprésence de l'ours en tant qu'animal vivant qui a été le premier occupant probable de la grotte parmi les vivants et parmi les animaux est flagrante. À d'autres endroits, l'homme venu plus tard a réaménagé, redisposé les eaux, déplacé certains. Donc c'est réapproprier l'espace derrière l'ours en le représentant à certains moments dans des emplacements très singuliers comme une alcôve très étroite dans laquelle il est difficile de se déplacer mais sur la paroi duquel il y a par exemple trois ours figurés. À un autre endroit, ils sont dessinés avec du charbon de bois et encore un autre endroit, ils sont gravés. Donc l'ours est omniprésent dans la grotte. Jean-Jacques Delannoy, l'ours a griffé donc vos surfaces géologiques. Un bocas aussi, une sorte de glissade de bouquetin qui s'est imprimé donc à la sortie d'une galerie. Oui, c'est ça qui est extraordinaire dans cette grotte, c'est que tout ça, effectivement, c'est très frais. C'est d'un état de conservation tel qu'on a l'impression que c'est des choses qui se sont passées hier, quoi. Je veux dire, à certains endroits, effectivement, il y a ces glissades, donc, de ce bouquetin. On voit, dans certains endroits, il y a des petites, des marches, etc., des glissades aussi, ou voire même des patinages, des ours qui n'ont pas réussi à remonter ou qui sont glissés, ces obstacles. Et on voit les empreintes de poils, en fait, des ours sur le sol. C'est ça, la magie de cette grotte, c'est effectivement cette fraîcheur, quoi, je veux dire, des traces laissées par l'homme, par l'animal, et j'allais dire presque par la nature, parce que tout à l'heure on parlait de 6 millions d'années, mais tout ça c'est extrêmement frais dans cette grotte. Cette grotte est une archive extraordinaire de ce point de vue. L'homme n'a pas laissé que des peintures, mais des empreintes beaucoup moins nombreuses que celles des animaux. Pourquoi sont-elles cantonnées à une sorte d'unique espace, la galerie des Croisillons, et aux banquettes qui se raccordent donc à une autre salle, la salle du crâne? Ça, c'est une question sur laquelle nous sommes encore, quoi, l'équipe, au niveau de l'équipe scientifique, aujourd'hui pilotée par Carol Fritz, est en train de travailler là-dessus, puisque les recherches sont pas finies. Alors, c'est vrai que c'est une grotte qui a peu en cul-de-sac, que cette salle de la galerie des Croisillons est un peu en cul-de-sac. C'est pas celle qui est sur le cheminement pour aller vers la salle du fond et donc vers les grandes peintures. Alors, est-ce que, de ce fait-là, c'est un espace qui a été en partie conservé du fait de ce moindre passage? Est-ce que c'est aussi, on a une grande salle auparavant qu'on appelle la galerie, la salle du crâne, avec des mises en eau. Est-ce que cette mise en eau, à un moment donné, a fait que cette galerie a été moins utilisée? Voilà, bon, pour l'instant, on reste quand même sur pas mal de questionnements de la conservation à cet espace-là et moins à d'autres endroits. Alors, ça peut paraître peut-être contradictoire que ce que je viens de dire auparavant, de dire cette grotte, elle a une très très grande fraîcheur de conservation, etc. Mais en même temps, c'est une grotte qui a continué à vivre. C'est depuis le départ des animaux et des hommes. Et il y a un certain nombre d'informations aujourd'hui qui sont sous un certain nombre de petites boulettes d'argile qui sont tombées des parois ou du plafond ou en dessous de ces encroûtements de calcite qui sont en train de se déposer depuis 10 000 ans. Donc on a peut-être ces empreintes à d'autres endroits, mais aujourd'hui sous ce recouvrement. Tout aussi étonnant sont les stalactites cassées, les blocs déplacés. Vous avez fait l'analyse des aménagements anthropiques, des aménagements de l'homme, des modalités de construction. La grotte a bien été aménagée par l'homme ? Oui, la grotte a été sans nul doute aménagée par l'homme. C'est une grotte qui était, je veux dire, dans laquelle les gens sont venus, sont revenus, connaissaient tous les coins et les recoins. Et on voit à certains endroits qu'il y a des blocs qui proviennent des structures, hein, de blocs, un peu comme ce qu'on appellerait des cairns, qui sont au sol. Généralement, pas des endroits qui sont anodins par rapport à l'architecture pariétale ou par rapport à des endroits importants de déplacement dans la cavité. Et l'étude, en fait, de ces blocs, la disposition de ces blocs, de la nature de ces blocs, a permis de voir qu'à certains endroits, on a une véritable petite carrière qui a été exploitée par les anciennes communautés pour justement fournir ces structures anthropiques. Et puis après, il y a des endroits où on a des structures où il y a deux petits blocs, deux petites dallettes qui ont été déplacées, mais ces deux petits déplacements suffisent des fois à à renforcer en fait un dispositif qui est naturel, mais qui devient plus naturel, puisque par exemple on a des cercles de pierre avec deux petits blocs qui ont été redressés, et c'est tout. Et ce cercle de pierre aujourd'hui est quelque chose qui est effectivement majeur dans le paysage de cette cavité. Ce genre d'étude a-t-il été réalisé dans d'autres cavités à travers le monde ? Oui, tout à fait. Une grotte, par exemple la grotte de Bruniquel, je veux dire, montre des structures comme ça qui ont été faites avec des concrétions qui ont été cassées, disposées en cercle. La grotte de la Garma aussi, dans les Cantabriques espagnoles, on voit des aménagements de cette nature-là. Et puis, maintenant qu'on a un peu ce regard un peu aiguisé sur ces transformations par l'homme, eh ben, par exemple en Australie, sur un certain nombre de sites aborigènes qui remontent pour certains autour de 40 000 ans, on a des aménagements qui ont pu être mis en avant. Oui, c'est, là, il y a toute une dynamique justement par l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité qui permet d'aller aujourd'hui beaucoup plus loin dans ce type d'analyse de structure et d'aménagement. Qu'en est-il de la zone d'entrée ? Avez-vous retrouvé l'entrée préhistorique ? Ça, c'était une grande question. Effectivement, tout à l'heure, on parlait de c'était quoi la grotte au moment des fréquentations humaines et animales, mais aussi par rapport à l'entrée. Est-ce que cette entrée était grande ? Est-ce que cette entrée était visible dans le paysage ? Est-ce que c'était un élément majeur du paysage extérieur, qui n'est pas anodin, hein, puisqu'on a quand même le pont d'Arc, qui est un pont naturel au sud de l'Ardèche. On a cette combe d'Arc qui est un ancien méandre abandonné par l'Ardèche. On a une vire qui oblique, qui nous conduit directement à la grotte. Donc, on a des choses qui sont extrêmement fortes dans le paysage extérieur. Et le porche de... La question, c'était de savoir est-ce qu'il participe à cette force paysagère ou non. Donc, il y a tout un travail qui a été fait, couplant justement l'approche géomorphologique, mais également tout ce qui est les reconstitutions, donc à partir d'un certain nombre de surfaces repères, et puis tout ce qui est les relevés 3D. Et on a pu, comme ça, reconstituer la morphologie du site, du porche, tel qu'il pouvait être au moment des fréquentations donc paléolithiques. C'est un grand porche. Nous n'aurons probablement pas le temps de parler des foyers et des charbons. Une dernière question. Selon quel processus la grotte se ferme-t-elle ? Avez-vous daté ces processus de fermeture de la grotte Chauvet ? Alors, la grotte, elle s'est fermée tout simplement parce qu'on a eu des effondrements, donc de l'escarpement qui domine l'ancienne entrée de la grotte. Et on a pu comme ça dater par ce qu'on appelle les datations cosmogéniques. Trois événements majeurs, il y a 29 000 ans, il y a 23 000 ans et il y a 21 000 ans. Vraisemblablement, il y a 23 000 ans, déjà la grotte, elle était fermée. Et 21 000 ans, c'est sûr, elle est fermée. Voilà, plus personne rentre et c'est à ce moment-là qu'elle commence son état de conservation. Et une autre histoire commence à s'engager. Et l'histoire reprend donc en 1994. Jean-Jacques Delannoy, Jean-Michel Genest, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre énorme livre qui vient de paraître, l'Atlas de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, publié aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, et qui est en fait l'inventaire raisonné des informations contenues dans la grotte sous forme de cartes. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar. À la technique, Valérie Lavalard. Nous remercions bien sûr France Bleu Pays de Savoie et France Bleu Périgord pour ce duplex. Et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, nous partirons vers la toute récente découverte d'une dent néandertalienne à Montmorin.